Chapitre 31. Le marquis entra au restaurant du Café Riche par la porte qui ouvre au coin de la rue Le Pelletier. Il regarda autour de lui, mais il n'aperçut pas le capitaine. Alors il s'adressa à un garçon qui lui répondit que M. Beaujonnier était sans doute au café en attendant l'heure de son déjeuner. En effet, le marquis, étant entré au café, aperçut le capitaine devant une table. Le bras levé, celui-ci laissait tomber un mince filet d'eau dans un verre d'absinthe. Assis en face de lui, deux acolytes de tournure peu engageante regardaient cette opération avec une attention soutenue et respectueuse, comme s'ils eussent assisté dans une pieuse cérémonie. « Monsieur le capitaine Beaujonnier, n'est-ce pas ?» dit le marquis. Sans répondre, le capitaine continua de verser doucement son eau. Puis le moment étant arrivé sans doute d'augmenter la dose, il laissa tomber quelques paquets d'eau qui emplirent le verre. Alors, relevant la tête et regardant le marquis, « Oui, monsieur. » dit-il avec une nonchalance dédaigneuse, « à qui ai-je l'honneur de parler ?»« Le marquis de Rudemont. » À ce nom, la physionomie du capitaine changea subitement. Il se leva et retira son chapeau, qui semblait vissé sur sa tête. En même temps, de sa main restée libre, il fit discrètement signe à ses deux compagnons de lui laisser la place. « Nous sommes seuls, » dit alors le capitaine. « À quoi puis-je vous être bon, monsieur le marquis ?»« Je vais vous entretenir d'une affaire particulière. » « Madame Beaujonnier n'est pas malade, au moins. »« Non, monsieur. Elle était hier quand j'ai quitté Rudemont en bonne santé. »« C'est d'elle, cependant, comme vous pouvez le prévoir, que j'ai à vous parler. »« Mais comme l'endroit n'est pas convenable, ici, je... » Le marquis s'arrêta, hésitant. Évidemment, il eût mieux aimé trouver le capitaine au bureau de la fortune publique. « Ne pourriez-vous pas sortir un moment avec moi ? » dit-il enfin. « Certes, je le voudrais, mais cela m'est bien difficile. » J'ai des rendez-vous fixés ici pour des affaires importantes, et si l'on ne me trouvait pas, il en résulterait des retards qui nous seraient très préjudiciables. Vous savez, monsieur le marquis, que les affaires de bourse doivent se décider vivement. Fallait-il inviter le capitaine Beaujonnier à déjeuner, s'asseoir à la même table que le directeur de la fortune publique, c'était dur. Ce fut cependant à ce moyen qu'il s'arrêta, mais avec des ménagements de forme, qu'il eût fait un ennemi implacable du capitaine, si celui-ci avait pu comprendre le sentiment qui les inspirait. En montant dans un salon, dit le marquis, nous pourrions, tout en déjeunant, parler de l'affaire qui m'amène près de vous. Ah, parfaitement. Comme cela, je reste ici, et si l'on a besoin de moi, on peut me trouver. Ils montèrent au premier étage. Puis, quand ils se furent assis, le marquis, s'adressant au capitaine, voulez-vous avoir la complaisance de commander notre déjeuner ? Vous êtes de la maison. Volontiers. Seulement, je vous prie de me dire avant si vous avez faim. Le marquis comprit qu'il devait avoir faim, et permettre ainsi la confection d'un menu au goût du capitaine. Très fin et surtout très soif. Alors c'est parfait. Et la main du capitaine, qui tenait un crayon, courut rapidement sur le papier, tandis que le garçon, debout derrière lui, attendait avec un sourire, regardant alternativement les deux convives, et se disant sans doute que le capitaine avait trouvé un bon jobard. Tout à coup celui-ci s'arrêta. « Avez-vous bu ici du château d'Yquem de 1847 » dit-il. « Non. » « Eh bien, monsieur le marquis, je veux vous en faire boire. Il coûte 45 francs la bouteille, mais ce n'est pas une considération pour vous, je pense. » Le marquis commença à regretter vivement de s'être assis à la même table que ce singulier personnage. « Vous allez boire ce vin-là, monsieur le marquis. Il ne faut pas l'avaler bêtement, il faut le mâcher lentement, et alors vous m'en direz des nouvelles. Je ne veux pas déflorer vos sensations. » On servit le déjeuner. Alors le marquis, qui avait hâte de finir cette négociation, qui lui devenait de plus en plus pénible, commença l'entretien. « Ce que je viens réclamer de vous, c'est l'abandon de la demande que vous avez adressée à Madame Beaujonnier. »« Ma demande, ah oui, assurément je le voudrais. Mais quand je me décide à faire une demande, c'est qu'elle a été longuement réfléchie et qu'elle a pour moi une importance considérable. Je ne dois pas vous cacher que c'est là précisément mon cas avec ma femme. Je ne prétends pas que vous abandonniez cette demande sans vous offrir des compensations. Sans doute, je comprends parfaitement. » « Seulement je ne vois pas, mais pas du tout, les compensations dont vous parlez. Dans une pareille affaire, quelles peuvent-elles être ? Je vous le demande, monsieur le marquis. Vous voulez, n'est-ce pas, que Madame Beaujonnier revienne près de vous ?» Le capitaine était préparé à tout, cependant, en entendant dire qu'il voulait faire revenir sa femme, un mouvement de surprise lui échappa. Il n'avait pas prévu cette conclusion. « Pauvre petite femme ! » s'écria-t-il avec émotion. « Si vous la rappelez, continua le marquis, c'est parce que vous avez une position à lui offrir. Assurément. Cette position est-elle aussi assurée que vous le pensez ? Toute la question est là. tout ce que voudrez, monsieur le marquis, mais ne doutez pas de la solvabilité de la fortune publique. Je n'en doute nullement, et j'ai à ce sujet une opinion conforme à la vôtre. Seulement, je veux dire qu'il n'est pas très sage, avant de savoir ce que deviendra cette affaire qui commence, de faire abandonner à madame Beaujeanier ce qui est certain pour ce qui est incertain. En un mot, je désire garder madame Beaujeanier pour continuer l'éducation de ma pupille, et je viens vous demander, moyennant une compensation que nous fixerons ensemble, de renoncer à la rappeler près de vous. » Le capitaine leva son verre à la hauteur de son nez et parut examiner attentivement la couleur de son vin. En réalité, il regardait le marquis. Maintenant, il comprenait le sens du télégramme qu'il avait reçu. Mais dans quel intérêt Clémence jouait-elle cette comédie? Et d'un autre côté, pourquoi le marquis tenait-il à la garder à Rudemont? Il y avait là deux questions intéressantes pour lui, mais ne voyant pas le moyen de les résoudre facilement, il se décida à en remettre la solution à plus tard, se contentant pour le moment de profiter de l'occasion qui se présentait. « Monsieur le marquis, dit-il, il faut que vous me connaissiez. Je suis un homme d'intérieur, un homme de ménage. J'aime, que dis-je, j'adore le calme, la paix, la tranquillité du foyer. C'est pour cela que je me suis marié. Des circonstances douloureuses, ah, bien douloureuses, je vous assure, m'ont privé de ces joies. Maintenant que je ne puis me les payer, je les veux. Ah, vous ne savez pas quelle vie je mène. Pas de maison, une chambre meublée, pas d'intérieur, le restaurant, toujours le restaurant, partout la même sauce brune et la même sauce blanche. Ah, le pot-au-feu avec un peu de choux et des carottes. Aimez-vous les carottes, monsieur le marquis? Je les supporte, quand je ne peux pas faire autrement. Moi, je les adore. » Disant cela, il mit la main sur la bouteille de Château Yquem, qui avait été placée là près de lui, et il s'en versa un plein verre. Puis, l'ayant contemplé, il le dégusta à grande gorgée, qu'il savoura, qu'il mâcha, selon son expression. Son regard avait une expression de béatitude mélancolique. Était-ce le regret du pot-au-feu? Était-ce le parfum du château Yquem qui le transfigurait? Il ne s'expliqua point là-dessus et continua. « Je ne vous parle pas que de la question morale, celle qui me touche profondément. Mais à côté de celle-là, il y en a une autre, je veux dire la question matérielle. À vivre ainsi dans les restaurants, je dépense un argent fou. Et je ne suis plus à l'âge où l'on ne compte pas l'argent. J'ai 38 ans et je pense à l'avenir. Que deviendrait ma pauvre petite femme si je mourais? Et puis si un de ces jours nous avions un enfant, qu'est-ce que je lui laisserais? Où sont mes économies? Le temps est venu d'en faire, et cela ne me sera possible que quand j'aurai un intérieur organisé, c'est-à-dire quand j'aurai ma femme. Précisément, c'est ici que se présente le chapitre de la compensation dont je vous parlais. À combien estimez-vous le préjudice que vous cause l'absence de madame Beaujeanier? Le capitaine posa les deux coudes sur la table et regardant le marquis en face. « Voyons, monsieur le marquis, dit-il avec une sorte de bonhomie. Je ne peux pas vous vendre ma femme, cependant. » Le marquis baissa les yeux, mais bientôt il les releva, et à son tour, il regarda le capitaine en face. « Ce que je vous demande, c'est de m'expliquer comment je puis réparer le préjudice que vous cause l'absence de madame Beaujeanier. Tenez, je vais vous faire connaître ma situation et vous verrez vous-même. Je ne suis pas, comme vous le pensez bien, le seul fondateur de la fortune publique. Je n'avais pas les capitaux pour cela. On a eu besoin de mon nom, de mon activité, de mon intelligence, et je suis entré dans l'affaire. Mais si je pouvais y verser un capital, mon rôle y serait plus important et par suite, mes bénéfices seraient plus considérables. Ainsi, je suppose que vous consentiez à mettre une somme déterminée dans notre maison et qu'avec cette somme, j'apporte votre nom comme président de notre conseil, je deviens le véritable directeur de notre entreprise. Mon nom n'est pas à moi, dit le marquis avec hauteur. Il est à mes pairs, mais mon argent m'appartient, et c'est lui que j'offre. Dans ces termes, la chose peut encore s'arranger, dit le capitaine, sans se laisser déconcerter. Car il est bien certain que mon influence deviendra respectable si je puis apporter 15 000 francs. Il regarda l'effet produit sur le marquis par ce chiffre, et comme celui-ci ne bronchait pas. 20 000, 25 000, ajouta-t-il vivement. Mettons 20 000, interrompit le marquis. Certainement. Quand je serai monté sur ces 20 000 francs, je serai sur un tout autre pied dans la maison. Le marquis avait hâte d'en finir. Je vous enverrai un chèque de 20 000 francs dans l'après-midi, dit-il en se levant de table. Je pourrai passer chez vous, si vous le désirez, pour la régularisation du reçu. Il n'est pas besoin de reçu. Assurément, entre gens d'honneur. Il tendit la main au marquis. Entre gens d'honneur, la parole suffit, et vous avez la mienne, monsieur le marquis. Ma femme restera l'institutrice de votre pupille tout le temps que vous jugerez convenable. Et si par hasard, elle veut elle-même revenir, mais cela n'est pas possible, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle tient son élève à laquelle elle est vivement attachée. Je le crois aussi. Mais enfin, si par extraordinaire elle voulait revenir, je vous la reconduirais moi-même. C'est égal. On m'aurait bien étonné si ce matin on m'avait dit que je céderais sur une détermination aussi fermement arrêtée que l'était la mienne. Vous êtes un terrible homme, monsieur le marquis. Le soir même, le marquis reprit le chemin de fer pour rentrer à Rudemont.